Le journal Iran News et le Bangladesh Daily Industry ont présenté le 16e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune nord-sud du 15 juin, alors que le Cercle d'études de la culture coréenne de l'Allemagne en écrit titré « Nouvelle époque de la réunification indépendante » dans le homepage d'Internet de l'agence du tourisme MS. Les auteurs ont indiqué que grâce à la noble volonté patriotique pour la réunification et au grand courage du général Kim Jong-il, a été adoptée la déclaration commune nord-sud du 15 juin, jalon de la réunification coréenne. Par ailleurs, toujours à la même occasion, l'Association d'études des idées du Juche de Russie a publié une déclaration.